Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Merci, votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Concernant hier, il y avait une conférence de presse au Saguenay où on annonçait le nouvel organigramme des Marquis de Jonquière pour la prochaine année. Donc, Bob Desjardins va remplacer Benoît Gâteau comme instructeur-chef. Bob Desjardins va occuper également le poste de directeur général de l'équipe. Lucien Paquette, tant qu'à lui, va rester comme recruteur-chef du côté des Marquis. Par le fait même, plusieurs joueurs ont confirmé leur retour. C'est le cas, entre autres, du gardien de but Cédric Desjardins, du défenseur Jonathan Diaby. Les attaquants Christian Ouellette, Gabriel Paquet-Boudreau et Sean McMorrow ont tous confirmé qu'ils seront de retour avec les Marquis la prochaine saison. Au golf, Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau a très, très bien fait. Il a joué de façon régulière à l'invitation pour Beaumont. Hier, Pierre-Alexandre Bédard a joué pour un potage de 67 et il a terminé au deuxième rang de ce tournoi. Kevin Fortin-Simard, qui a été au premier rang pendant la première journée, hier a joué la normale 72 pour terminer au sixième rang à moins 9. Maintenant, on va parler du côté du soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer hier. Il faut noter que du côté du Seigneur féminin Division 1, l'attaque de Saint-Prime a défait l'FC de Saint-Félicien 2-0. Également, victoire dans le U14 pour le Mistral qui a défait l'Union de Roberval 4-0. Également, U14, l'Union de Roberval a défait le Chinook de Chicoutimi 7-0. Et dans l'Union 14, victoire du FC de Saint-Félicien 5-1 sur la formation du FC Jean Dumas. Au Deck Hockey, il y avait un match à Saint-Prime hier du côté du Deck Hockey. Et ça a été une victoire pour la formation des Mighty Ducks 5-4 sur les Knights. Pour les Mighty Ducks, 2 buts, 1 passe pour Samuel Girard. 1 but, 2 passes pour Pierre-Carl Fulotte. Et notons également que Samuel Dallaire a marqué un but. Pour les Knights, 2 buts de Charles Tremblay, également 1 but de Frédéric Dumais-Chain et Félix Bouchard a également marqué. Ligue de Balmoule de Roberval, il y avait des matchs hier. D'abord, Megavac a défait AEW 18-12, Zodiac 15, Saint-Hubert 7 et Pièce de Tourcelle a défait Garmat 12-11. Du côté maintenant de Dolbeau-Mistassini, il y avait des matchs hier, match nul de 11-11 entre le Météor et le Sport Expert, et Métro a défait Saint-Hubert 12-4. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Jean-Christophe Masson, qui a signé un contrat avec l'organisation des Blue Jays de Toronto, donc je vous invite à écouter cette entrevue. Sport local et régional à danradiosport.com, on s'en écoute.